mais sans moi j'en fume. Je passe mon temps à faire la fête. J'pète la vie avant qu'elle pète. Et toi, j'aime pas en quoi tu crois. Oh!